Chapitre 17. Quand la CIA plaçait ses fonds secrets dans une banque islamique. Si les investigations sur la faillite frauduleuse de la Bank of Credit and Commerce International, BCCI, avaient pu être menées à leur terme, il est possible que George Bush père, président des États-Unis de 1988 à 1992, mais surtout ancien directeur de la CIA, se soit trouvé dans une position délicate. Le dossier BCCI est peu connu du grand public car d'une grande complexité, avec des zones d'ombre persistantes. Pourtant, l'implication de la CIA ne fait pas débat. Et par bien des aspects pittoresques, l'histoire mérite toute notre attention. La BCCI a été créée en 1972 au Pakistan par l'homme d'affaires Aghan Hassan Abedi, un chiite né en Inde qui a fait fortune dans la finance avant de voir sa première banque nationalisée par le président pakistanais Ali Bhutto, le père de Benazir Bhutto. Le projet de la BCCI se présente comme la première banque islamique internationale susceptible de servir toute la clientèle musulmane du Moyen-Orient. Par exemple, la main-d'œuvre pakistanaise en Arabie Saoudite, qui refuse de placer ses économies dans une banque occidentale. La BCCI dispose de prestigieux parrains. Plusieurs princes arabes, dont l'émir d'Abu Dhabi, participent au capital, ainsi que Kamal Adam, ancien chef des services secrets saoudiens. Consécration suprême pour accompagner le développement de la BCCI et prendre pied au Moyen-Orient, la Bank of America prend 25% des parts. Le problème est que les fonds arabes présentés comme des capitaux ne sont en réalité que des prêts déguisés. Sitôt en activité, la banque va reprêter les sommes reçues à ses bailleurs de fonds, ce qui est irrégulier. De plus, la BCCI ne dépend d'aucune banque centrale susceptible de couvrir ses éventuelles défaillances, prêteurs en dernier ressort. Une fois ouverte, la banque dépense donc pour fonctionner l'argent de ses premiers déposants au lieu de les placer et n'a donc d'autre choix que de grossir très vite pour masquer ses problèmes et faire face aux demandes de retrait de ses clients. Croissance qu'elle réalise au-delà de toute espérance. En 1977, elle dispose de 146 succursales dans 43 pays. À la fin des années 80, la banque devenue un groupe possède 400 filiales dans 73 pays et affirme disposer de 20 milliards de dollars de dépôts. Elle a racheté de nombreux réseaux nationaux, prenant par exemple une participation de 20% dans l'International Bank of Yemen, dont l'un des actionnaires principaux est Khalid bin Mahfouz, un des principaux financiers du terrorisme islamiste. Pour éviter la faillite, la BCCI doit en permanence attirer de nouveaux dépôts et se montre de moins en moins regardante sur leur provenance. Cette soif de liquidité mène la BCCI vers les réseaux du terrorisme, Abu Nidal, un terroriste dissident de l'OLP, les trafiquants de drogue, cartel de Medellin, les comptes personnels de dictateurs, le général Noriega du Panama, et la CIA de William Casey, puis George Bush, qui utilise le relais de la BCCI pour financer la guérilla des Contras au Nicaragua. Tout convient du moment que les dépôts se font en liquide. En 1976, la Bank of America s'avise qu'elle a peut-être investi un peu vite dans la BCCI et revend sa participation à l'homme d'affaires Guess Ferron, un proche de Bin Mahfouz. Il revendra d'ailleurs une partie de ses actions à ce dernier en 1996. La BCCI utilise Ferron pour s'implanter aux États-Unis en rachetant la National Bank of Georgia et la Financial General Bank Shares. Pour éviter les foudres des autorités de contrôle américaines, ses participations sont logées dans une holding basée aux Antilles néerlandaises, la Credit and Commerce American Holdings, à qui la BCCI prête l'argent de ses acquisitions. L'un des conseillers de la BCCI pour ses opérations américaines est alors Jack Stephens, par ailleurs conseil et actionnaire de Arken, la société pétrolière de la famille Bush. En 1991, les autorités américaines découvrent le lien entre la BCCI et la holding antillaise, et une enquête internationale est lancée en collaboration avec leurs homologues européens. De son côté, la DEA, Drug Enforcement Administration, tirant les fils d'une enquête sur le cartel de Medellin, s'est intéressée à son tour depuis 1988 à la BCCI. Poursuivie par plusieurs juridictions, la BCCI est accusée de blanchiment d'argent provenant du trafic de drogue, vol collusoire à grande échelle, tentative de corruption des autorités bancaires, escroquerie de ses déposants, dépôt de faux documents, création de faux actifs, etc. Le 5 juillet 1991, les autorités monétaires décident de fermer la banque, piégeant les déposants, petits et grands, parmi lesquels le FMI, diverses banques centrales du tiers-monde ou encore la communauté des îles écossaises. Cette fraude à grande échelle est le plus grand scandale bancaire de l'histoire. L'enquête ne sera pas facile. Le procureur de Manhattan, Robert Morgenthau, déclare au magazine Time « Nous ne recevons aucune coopération du ministère de la Justice depuis le début de notre enquête, en mars 1990. En réalité, ils entravent notre enquête et demandent aux témoins de ne pas coopérer avec nous. » Si l'administration américaine freine à ce point, alors que l'affaire des Contras est désormais bien connue, c'est que la BCCI a également été utilisée pour les opérations de la CIA au Pakistan. Financement d'armes pour les Moudjahidines, mais aussi blanchiment d'argent de leur trafic de drogue, avec la bénédiction de la CIA. Pour la bonne cause antisoviétique. Plaque tournante de nombreux trafics transitant par le Pakistan pour le compte de plusieurs services secrets, la BCCI a rendu trop de services discrets pour qu'on laisse exposer toutes ses activités. Les Émirats arabes refuseront de communiquer les documents réclamés par la commission d'enquête parlementaire qui rend son rapport en 1992. Ironie du sort, celle-ci est dirigée par les sénateurs Hank Brown et John Kerry, futurs candidats malchanceux à la présidentielle de 2004 face au sortant George Bush Jr. Dans les années 1990, on retrouvera plusieurs acteurs majeurs de la BCCI dans le réseau de soutien à Oussama Ben Laden. Khalid bin Mahfouz, qualifié par le rapport Brown-Kerry de banquier le plus puissant du Moyen-Orient, a été reconnu co-responsable de la faillite frauduleuse de la BCCI. Il a accepté, en 1995, de payer une indemnité transactionnelle de 245 millions de dollars pour pouvoir poursuivre ses activités. Une audition sénatoriale du patron de la CIA en 1998 nous apprend que la sœur de Bin Mahfouz est mariée à Oussama Ben Laden. Enfin, en 1999, l'enquête sur les attentats intervenus l'année précédente contre les ambassades américaines en Afrique a permis de déceler des transferts de fonds de la famille Bin Mahfouz vers les organisations caritatives de Ben Laden pour un montant de 2 milliards de dollars.